Huitième chapitre. Une noce bretonne. Ces mots avaient évoqué dans l'esprit d'Emmanuel l'image d'un long cortège d'amis et de parents en riches costumes se déroulant par les chemins au son des hautbois et des biniou. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent aux environs de Quimperlé. Chacun des mariés quitte seul son logis pour se rendre à la mairie où les témoins attendent. En sortant de la mairie, on se rend à l'église et, la cérémonie achevée, la mariée rentre chez ses parents où le marié et les témoins la rejoignent bientôt. C'est alors que commence la fête des noces. Des tables sont dressées partout, dans la salle basse, sous les tentes ou en plein air à l'entrée de la ferme. Tout le monde était attablé lorsque Madame Thouvenin, suivie de son fils et de Siegfried, poussa une barrière à hauteur d'appui qui donnait accès dans la propriété. Deux femmes se tenaient debout devant une table chargée de telles, remplie de porc rôti et de gras double frit, prêtes à remettre aux pauvres qui viendraient la réclamer leur part de festin. Elles regardèrent les étrangers avec étonnement, mais sans s'opposer à leur passage. Un jour de noces, la maison est ouverte à tous ceux qui se présentent. Pour le breton comme pour l'arabe, l'hôte est un envoyé de Dieu. Un vieillard sortit de la tente. C'était un homme de pure race armoricaine, avec des cheveux noirs bouclant sur son cou, des yeux bleus, des traits réguliers. L'âge, qui avait marqué son visage de rides profondes et mêlé des cheveux blancs à ses boucles brunes, avait respecté sa haute stature. Cet homme était habillé tout de noir à la mode du pays, depuis le pantalon très moderne, quoique évidemment coupé par un tailleur du cru, jusqu'au gilet montant bordé de velours noir, à la veste et au chapeau souple à larges ailes. Rien ne venait égayer ce sombre costume qu'un col brodé montant jusqu'au menton et une broderie en soie couleur d'or sur le dos de la veste. Il s'avança vers les nouveaux venus, portant une énorme cruche pleine de cidre et un verre vide. Arrivé à quelques pas de Siegfried, il s'arrêta, déposa sa cruche, ôta son chapeau d'un geste courtois et dit « C'est moi qui suis chargé de faire les honneurs !» Siegfried s'inclina sans comprendre et attendit. Le breton remplit le verre, le vida d'un trait, le remplit de nouveau et le présenta à Siegfried. Le jeune Alsacien fit la grimace. « Du cidre est dans le verre de ce paysan encore ?» Pourtant, comme il sentait l'obligation de répondre à une politesse par une autre, il but, quoique d'assez mauvaise grâce. La même cérémonie fut répétée pour Madame Thouvenin, encore plus embarrassée que Siegfried. Elle s'exécuta en minaudant et rendit le verre vide. Les étrangers de tout à l'heure étaient maintenant des hôtes agréés et bienvenus. Le vieillard chargé des honneurs le leur avait annoncé par la formule obligatoire. « Maintenant, faites à votre plaisir !» Les danses s'étaient organisées au son d'un hautbois et d'un biniou. Les danseurs tournaient le dos, les hommes en sévères costumes noirs, les femmes vêtues à la mode de Quimperlé, de Quimper, ou à celles de Ploaré ou de Sker, plus riches et plus gracieuses encore. En avant, tout de suite après le jeune homme qui menait la danse, s'avançait une grande jeune femme svelte et souple dans sa lourde robe de drap brodé jusqu'aux hanches. Emmanuel ne voyait d'elle que sa taille flexible, son cou frais, le reflet de ses cheveux clairs sous les barbes relevées de sa coiffe, et pourtant il s'imaginait la reconnaître. Certainement, il l'avait déjà vue. S'il ne se trompait pas, pourtant, si c'était elle, quelle joie! Pendant qu'il considérait les danseurs, le cœur serré de ce vague espoir, le vieillard qui faisait les honneurs se présentait à Madame Thouvenin. S'inclinant respectueusement devant elle, il déclina son nom. « Je m'appelle Jean Cavaron. »« Le père de Jacquette !» s'écria Emmanuel en se retournant brusquement. « Pas son père, son oncle. » Il prit un temps et ajouta. « Comme ça, vous connaissez ma nièce Jacquette ?» « Peut-on vous demander s'il y a longtemps que vous ne l'avez vue ?»« Longtemps ? Oh oui, bien longtemps, 3 longues années !» Alors, avec une volubilité passionnée, Emmanuel raconta le séjour de Jacquette chez sa mère. les soins qu'elle avait pris de lui quand il était tout petit et sa reconnaissance pour la douceur de la jeune institutrice et son désir de la revoir, de lui dire qu'il ne l'oubliait pas, qu'il la regrettait toujours. La gavotte avait pris fin, les danseurs s'étaient séparés, la jolie danseuse s'approchait. C'était bien elle, Emmanuel ne s'était pas trompé. Il s'élança vers elle et la serra dans ses bras. « Oh, ma bonne, ma chère Jaquette !» La jeune femme le regardait, toute surprise. « Voilà encore que vous vous trompez !» dit le vieux. « Ce n'est pas ma nièce que vous embrassez si bien, c'est ma fille, Marie !» Il expliqua ensuite l'expansion d'Emmanuel par ces simples mots. « C'est le petit gars de Paris que la nièce instruisait !» Le petit gars de Paris fut ensuite présenté à toute la famille, dont il reçut l'accueil le plus cordial. Les gens d'âge offrirent leur respect à Madame Thouvenin, l'invitant à s'asseoir avec eux sous la tente et à prendre part aux réjouissances. Filles et garçons quittaient de nouveau la table. Les sonneurs commencèrent un nouvel air. C'était celui sur lequel Jaquette avait coutume d'improviser ses chansons. Emmanuel le reconnut et, avec la mélodie, il retrouvait aussi les paroles. « Un petit enfant conduit notre danse gaie, joli danseur. Il a la beauté d'une fraîche fleur et d'un oiselet il a l'innocence, gai petit danseur. De genêt fleuri, prenez cette branche, ma douce, ma sœur, pour guider les pas du petit danseur. Donnez-lui la main et dans la main blanche, laissez votre cœur. » « Une chanson de danse ?» fit Marie. « Qui vous l'a apprise ?» On ne la lui avait pas apprise. Il l'avait composée avec Jaquette. Oh, c'était toute une histoire. Il s'interrompit, la tête baissée, les lèvres agitées d'un tremblement convulsif, comme s'il allait pleurer. Marie l'interrogea doucement. Voyons cette histoire. Le souvenir était devenu trop poignant. Le jeune garçon ne put se taire. Il raconta le départ de Jaquette, s'en accusant douloureusement. Il comprenait que lui seul en avait été cause. Pourquoi s'était-il montré si fou de danse et de chanson? S'il avait été plus raisonnable, elle serait restée avec lui, elle y serait encore, et... « Et quoi ?» dit Marie. « Vous savez bien qu'il vient un temps où les garçons doivent apprendre des choses que les filles ne savent pas. Venez, beau garçon, mener notre danse, gai petit danseur. » Et elle l'entraîna sur la pelouse. Pendant ce temps, Cavaron avait emmené Siegfried à l'écart et lui demandait d'un ton passablement railleur « Vous n'avez donc rien à faire dans votre pays que vous venez comme ça vous promener dans le nôtre ?» Siegfried répondit que le voyage n'interrompait pas ses occupations et que la santé de son élève l'avait amené en Bretagne. « C'est donc qu'on ne meurt pas chez nous comme chez vous ?» interrompit un grand garçon de ceux qui étaient moins assidus à la danse qu'à courtiser les pichets de cidre. Le vieux le fit taire d'un geste et cessa d'interroger Siegfried pour se répandre en compliments sur la manière dont Emmanuel dansait la gavotte. Le cocher vint bientôt avertir qu'il était temps de se remettre en route si l'on voulait aller au Faouet et visiter la chapelle Sainte-Barbe, située à une demi-heure du village. Madame Thouvenin se sentit délivrée. Ayant appelé son fils et Siegfried, elle prit congé des gens de la noce avec plus de promptitude que de politesse, très ennuyée de cette rencontre inattendue avec la famille de Jaquette Cavaron. Il lui fallut supporter qu'on lui rendît les honneurs jusqu'à la fin. Le hautbois et le biniou se placèrent auprès de la voiture et se mirent à jouer un air grave et dolent. « Qu'attendez-vous, cocher ? Qu'ils aient fini, ils jouent les adieux, on leur donne toujours une étrenne. Donnez-leur ceci !» Emmanuel saisit la piécette blanche à laquelle il en joignit une autre, ne voulant pas que l'étrenne prît l'aspect d'une aumône. Il tendit la main aux sonneurs en leur disant « Merci, mes amis !» et il jeta un joyeux « Au revoir » à Jean Cavaron et à sa fille Marie, qui regardaient partir la voiture. Puis, en réponse à l'air des sonneurs, il se mit à chanter un saune qui parlait de retour. Lorsque la ferme eut disparu au détour du chemin, Madame Thouvenin poussa un soupir de soulagement. Elle avait pu emmener son fils à temps pour qu'il n'apprît rien de Jaquette, sinon qu'elle n'était pas à Quimperlé. À présent, ce qu'il fallait à tout prix, c'était s'éloigner des Cavaron. Il fallait partir, vite, vite. Sans doute, elle empêcherait Emmanuel de s'arrêter si l'on venait à rencontrer le vieux Jean ou sa fille Marie, mais elle ne l'accompagnait pas toujours. Il sortait seul avec Siegfried presque tous les matins. Il pouvait alors questionner, s'enquérir. Elle ne pouvait s'attacher au pas de son fils comme une ombre jalouse, et pourtant elle ne voulait pas avoir cette inquiétude. Le plus simple était de quitter Quimperlé, la Bretagne même. C'était sans doute en Bretagne que vivait Jacquette. On pouvait se trouver un beau jour face à face avec elle. Alors Emmanuel voudrait la revoir, lui écrire. L'ancienne affection s'affermirait. Ce ne serait plus une simple amitié d'enfant, mais le sentiment plus raisonné d'un cœur de jeune homme. Elle ne voulait pas qu'il en fût ainsi. La tendresse de son fils pour une autre qu'elle lui était volée, à elle la mère, et elle prétendait la reconquérir. Où avait-elle eu la tête quand elle avait consenti à venir en Bretagne? C'était ce Siegfried qui l'y avait engagé, un autre toqué encore, celui-là, avec sa préhistoire. Elle en avait assez de ce pays monotone, de ces paysans solennels, des senteurs marines qui lui donnaient des nausées, du bruit lugubre de la mer, de tout. Emmanuel était tout à fait remis de sa langueur, l'heure du retour était venue. Que se passe-t-il donc? Rien, seulement il fallait quitter la voiture pour gagner la chapelle de Saint-Fiacre à pied. L'entretien des chemins se fait en Bretagne d'une manière très particulière. Lorsque les piétons en sabots, les charrettes et les bestiaux ont complètement défoncé le sol détrempé par la pluie, on jette des brassées d'ajoncs dans les mares de boue. Quand les ajoncs, foulés aux pieds, sont devenus un monceau de fumier dans lequel on enfonce jusqu'aux genoux, les piétons escaladent les clôtures et les échaliers de pierre pour traverser les champs. Il avait plu longtemps et les chemins s'en ressentaient, surtout à la traversée du hameau voisin de la chapelle. Emmanuel et Siegfried en souffraient peu. Les fréquentes escalades étaient même un amusement pour eux. Mais Madame Thouvenin, déjà d'assez méchante humeur, mettait peu de bonne volonté à surmonter les difficultés de la route. Tout le monde n'est pas riche en Bretagne. Le hameau dans lequel on avait été chercher la clé de Saint-Fiacre en témoignait de reste, ainsi que la jeune femme chargée de la garde de la clé. Elle ne devait pas avoir plus de 18 ans, et elle aurait été jolie sans la malpropreté sordide de ses vêtements. Pâle et triste, elle marchait devant les Parisiens, portant son fils, un chétif enfant de quelques mois. Arrivée à la chapelle, elle l'ouvrit et alla s'asseoir sur une pierre à l'intérieur pour allaiter son nourrisson plus commodément. Heureusement que Siegfried était un érudit cicérone, car la paysanne n'ouvrit pas la bouche et ne bougea pas de sa pierre tant que les visiteurs eurent quelque chose à examiner. Saint-Fiacre est fermé toute l'année, sauf le jour où l'on chaume son patron. L'humidité y fait son œuvre. Dans quelques années, ce sera presque une ruine. C'est un édifice du XVe siècle dont la flèche élégante avec sa galerie flamboyante élevée en encorbellement sur la façade ouest se relie par deux arcs-boutants légers à deux flèches plus petites. Toutes les statues du porche ont été arrachées de leur niche, sauf celle de Saint-Christophe, rongée par le temps et les intempéries. L'intérieur de la chapelle se compose d'une nef à deux travées et d'un collatéral séparé du chœur par un magnifique jubé. C'est ce jubé qu'on va voir. Il est en bois curieusement sculpté dans le style de la première moitié du XVe siècle. Il date, dit-on, de 1440. Sa galerie est supportée par sept panneaux flamboyants. La frise qui surmonte la claire-voie offre des sujets variés. Parmi ceux de gauche, on remarque un loup vêtu d'une robe de moine, prêchant du haut d'une chaire au pied de laquelle Maître Renard se tient pour inviter les poules à venir écouter le sermon dans lequel les deux compères doivent sans doute enseigner tout ce qui peut tourner à leur profit. Plus loin, le renard s'enfuit, poursuivi par les poules qui le chassent à coups de bec, le tuent et en font curé. Au-dessus de la frise règne la galerie, ou jubé proprement dit, dominé par un calvaire où le Christ expire entre les deux larrons. Cette galerie supérieure se compose de 10 panneaux à accolade, découpés en sculptures flamboyantes. D'innombrables rinceaux ornent l'intrado de ces arcs. 5 voûtes d'ogives à pendentifs, terminées par des anges renversés, soutiennent cette composition. Des consoles supportent à gauche une annonciation. Au centre, la statue de la Vierge et celle de Saint Jean. À droite, Adam et Ève au pied de l'arbre de vie, les mêmes chassés du paradis. Du côté du cœur, l'aspect est tout autre. Les séraphins des pendentifs sont remplacés par ces animaux étranges, ces hommes à posture bizarre qu'on voit aux pages des vieux missels. À gauche, un homme grimpé sur un arbre le dépouille de ses fruits qu'il met dans un panier tout en regardant si personne ne vient le surprendre. À côté, un gros homme fait d'horribles contorsions pour rejeter un porc qu'il avait avalé et dont il ne lui reste que la queue dans la bouche. Sur le troisième et le quatrième pendentif, deux anges tiennent des écussons mutilés. Le cinquième représente un jeune homme et une jeune fille qui se promènent languissamment. Le sixième offre un sonneur jouant un air de Bignou. En toute autre circonstance, Madame Thouvenin eut longuement admiré cette œuvre, aussi hardie qu'élégante, malgré le vermillon, le bleu criard et le vert éclatant, dont, par une reconstitution plus que discutable, on a empâté les fines sculptures. Elle retrouvait une épigramme aiguë pour expliquer la dissemblance des deux faces. Elle eût apprécié en femme éprise d'art et raillé avec le sarcastique sculpteur, mais la rencontre de la famille Cavaron la rendait incapable d'appliquer sa pensée à autre chose qu'à l'éventuel désagrément de retrouver Jaquette. Pour la même cause, Emmanuel était dans un état d'esprit tout différent. Il se réjouissait d'avoir vu une chose aussi remarquable et rare que ce jubé. Siegfried questionnait la jeune paysanne pour savoir si la commune ou le département ne prendrait pas le sage parti de transporter le jubé dans un musée. Elle berçait son enfant sans répondre. Les visiteurs s'étant décidés à sortir, elle se leva, ferma la porte et s'éloigna sans dire un mot. On franchit les échaliers et les clôtures en sens inverse. Madame Thouvenin exposa de nouveau ses fines chevilles à la piqûre des ajoncs pour regagner la voiture qui prit le chemin du Faouët. Le silence des voyageurs favorisait sans doute la loquacité du cocher, car il ne déparla guère jusqu'au Faouët. Il affirma qu'on n'avait pas vu le plus amusant de la noce, la recherche de la mariée et son enlèvement. À la tombée de la nuit, les danses cessent. Filles et garçons se séparent. Les premières accompagnent la mariée dans la maison. Les seconds boivent avec le marié, à sa prospérité, à son bonheur, à tout ce qu'on peut souhaiter de bien à un ami. L'heure du départ sonne enfin et le marié s'enquiert de sa femme. « Il se fait tard. Allons-nous-en chez nous, ma douce. » Il la cherche et ne la trouve point, car elle est bien cachée. Il l'appelle, il la demande et, tour à tour, on lui amène les jeunes filles de la noce. « Est-ce celle-ci ? Non pas. Est-ce cette autre ? Pas davantage. » Alors il feint de se fâcher, prie ses camarades de l'aider et les voilà tous ensemble fouillant la maison, le cellier, la grange, la basse-cour pour découvrir l'épousée. Quand ils ont trouvé sa cachette, ils l'en font sortir malgré les jeunes gens de sa famille qui font mine de vouloir la retenir. Une lutte s'engage, toujours terminée par le triomphe du marié qui sort en entraînant sa femme comme s'il l'enlevait de vive force à sa famille. Naturellement, Siegfried sentit la nécessité d'une petite dissertation au sujet de ces cérémonies dont l'origine se perd dans la nuit des temps et dont ceux-là même qui les accomplissent encore ignorent complètement le symbolisme. Suivant lui, c'était la mise en action du précepte « La femme quittera son père et sa mère pour suivre son mari », ainsi qu'une affirmation de la puissance de celui-ci et de la soumission de la femme. Nul doute que Siegfried n'eût développé ce sujet plus amplement s'il n'eût été forcé d'interrompre son discours pour aider Madame Thouvenin à mettre pied à terre. On était arrivé au Faouët, un village qu'on aurait pu croire abandonné, tant le silence et la solitude régnaient dans les rues. Par les portes grandes ouvertes, on ne voyait rien que des chambres vides. Pourtant, à mesure qu'ils avançaient, les Parisiens percevaient derrière eux un bruit régulier, comme un piétinement de petits pas pressés. Ils se retournèrent. Une escorte déjà nombreuse d'enfants marchait en bon ordre sur leurs pas, grossie à chaque instant de nouvelles recrues, venues on ne savait d'où. À la sortie du village, la troupe enfantine se rapprocha à la course. les moins agiles ôtant leurs sabots pour enchausser leurs mains qu'ils agitaient en l'air, les plus petits s'accrochant aux jupons de leurs grandes sœurs. Les promeneurs furent bientôt enveloppés, et alors commença l'ancienne ordinaire sur ce ton bref, si particulier des mendiants bretons. « Un sou, un sou, un sou !» Un détour du chemin, Siegfried tenta de dissiper l'attroupement. Il n'y serait pas parvenu aisément sans la générosité de Madame Touvenin qui compta les enfants. Ils étaient plus de 30 et leur donna à chacun un sou, mais à la condition expresse qu'ils cesseraient de la suivre. Ceux qui s'étaient déchaussés remirent leurs sabots. Les grandes filles reprirent les poupons dans leurs bras, mais personne ne fit mine de s'en retourner. C'était vraiment trop intéressant de regarder passer des messieurs. Et puis, quand ceux-ci se seraient éloignés, il y aurait peut-être moyen de les suivre par les champs, derrière les talus, pour reparaître plus loin comme une bande nouvelle à laquelle aucune défense n'avait été faite. Malgré cette habile tactique, la marmaille du village désert fut contrainte à se disperser, Siegfried ayant reconnu les meneurs et leur ayant fait honte de leur mauvaise foi. Deux fillettes restèrent seules, avec un doux regard suppliant qui leur attira la sympathie d'Emmanuel. L'une avait déjà la beauté triste, l'expression de résignation de la jeune femme de Saint-Fiacre, ses formes grêles, ses lèvres trop rouges, le cercle bistré qui entourait ses grands yeux disait qu'elle était déjà atteinte de la terrible maladie des pays humides et brumeux, de la tuberculose. C'était probablement elle et sa compagne qui avaient dissipé l'escorte de Marmot et elles étaient restées pour servir de cicéronie. De bonne amitié, chacune laissant quelque chose à dire à l'autre, elles commencèrent une sorte de duo explicatif en suivant la voie pavée de longue dalle qui monte du Sceau du Loup à la Croix de Pierre, auprès de laquelle se trouve la maison du gardien de Sainte-Barbe. Elles dirent comment le sire de Toulbaudon en Locmalo, chassant dans la vallée de l'Ailé, vit éclater un violent orage. À tout moment, la foudre tombait sur les rochers qui roulaient brisés jusqu'au fond du ravin. Ce n'était pas un fort honnête homme que ce sire de Toulbaudon. Il violentait volontiers ses vassaux, pillait les voyageurs, dévalisait les monastères, se riant des plaintes comme des imprécations, répétant à qui voulait l'entendre qu'il ne craignait ni homme, ni dieu, ni diable. Si courageux qu'il fût, il se sentit pourtant en grande crainte de perdre la vie au milieu du fracas du tonnerre et des rocs croulants. Il ne voulait pas mourir encore, le bon sire, et comme un bloc encore plus gros que les autres était prêt de l'atteindre, il fit vœu d'élever en cet endroit une chapelle à Sainte-Barbe, s'il était sauvé par son intercession. Le bloc s'arrêta à mi-côte, à la place où il est encore, et, fidèle à sa promesse, le sire de Toulbaudon fit commencer le lendemain même la construction de la chapelle. Retardant le plus qu'elle pouvait l'intervention du gardien, les petites filles firent voir le beffroi érigé sur 4 piliers, soutenant une toiture sous laquelle est suspendue la cloche que tout pèlerin doit faire sonner le jour du pardon. Elles descendirent la première volée de l'escalier dont le palier est relié par une arche en pierre à la chapelle Saint-Bernard, accrochée à la pointe d'un rocher, et firent remarquer les anneaux de fer auxquels les dévots se cramponnent pour faire le tour de la chapelle. C'était tout ce qu'elle pouvait faire à elle seule. Il fallut bien prévenir le gardien. La mieux portante regrimpa pendant que l'autre descendait plus bas et faisait retourner les visiteurs, leur indiquant dans une anfractuosité du rocher une grande statue blanche, une Notre-Dame de Lourdes, dans un merveilleux encadrement de capillaires, de bruyères fleuries, de lierre et de scolopendres. « C'est beau !» fit-elle avec conviction, les yeux fixés sur la statue. « Très beau !» dirent les voyageurs, admirant la roche abrupte tapissée de verdure. Dans la chapelle, des vitraux représentant des scènes de la vie de Sainte-Barbe et de Sainte-Ursule, et c'est tout. Le gardien, ou plutôt la gardienne, une vieille femme dévote qui ne prononçait pas le nom des saintes sans faire une génuflexion, fit remarquer l'orientation de la chapelle, du sud au nord, dit que l'exiguïté de l'emplacement avait forcé à l'orienter ainsi. Elle fit de nouvelles génuflexions accompagnées de signes de croix et se mit en devoir d'expliquer les détails extérieurs de l'édifice. Mais les visiteurs ne l'écoutaient plus. plongés qu'ils étaient dans la contemplation du paysage sauvage qui les entourait. Derrière eux, l'escarpement de la colline qui porte la chapelle. En face, la ravine stérile au fond de laquelle coule l'Ailée, étroite, coupée à pic, comme si le sol s'était tout à coup crevassé en cet endroit. Au loin, le soleil couchant avivait le rose des bruyères du reflet de sa pourpre, et autour d'eux, une fraîcheur montait des mousses et des fougères qui tapissaient la roche. « C'est beau !» dit encore la fillette avec un désir d'entendre répéter « c'est beau !»« Oh oui, c'est beau !» répondit Emmanuel. Ils restèrent encore un moment à contempler ce vallon sauvage et lentement remontèrent l'escalier. Au carrefour où les deux petites filles avaient renvoyé les autres enfants, elles s'arrêtèrent comme pour prendre congé. L'une montra dans sa main, soigneusement enveloppée d'un chiffon, le sou qu'on lui avait donné. Elle remercia pour elle et ses quatre petits frères. L'autre se bornait à regarder tristement les voyageurs, comme si elle eût regretté de les voir partir si tôt. Elle laissa sa compagne escalader une clôture et partir en courant avec ce qu'Emmanuel venait de lui donner, marchant à quelques pas derrière le jeune garçon. Il lui fit signe de s'approcher et l'interrogea. Il sut qu'elle était l'aînée d'une nombreuse famille, qu'elle était pauvre, et que si la dame avait voulu l'emmener, elle aurait été contente. Un peu avant le village, elle déclara qu'elle n'allait pas plus loin. « Reviendrez-vous par ici ?»« Peut-être. Je vous conduirai encore. Je vous reconnaîtrai bien. Moi aussi, je te reconnaîtrai. Comment t'appelles-tu »« Jaquette. » Il lui versa dans la main tout le contenu de son porte-monnaie et l'embrassa. Il lui semblait que la rencontre de cette douce petite fille était un heureux présage. « Elle s'appelle Jaquette, » dit-il à sa mère en la rejoignant. « Qui ?»« Cette jolie petite fille. » »« Eh bien, que vois-tu d'extraordinaire à cela ?» Cette question arrêta net ses épanchements. Il garda le silence jusqu'au Faouet où l'on fit une courte halte pour visiter l'église qui date du XVIe siècle et les halles dont la curieuse charpente offrit à Siegfried une nouvelle occasion de déployer son savoir. Le lendemain matin, M. Métivier proposa une promenade en bateau jusqu'au Pouldu où il avait une maison de campagne. Madame Thouvenin fut inexorable. Rien ne put vaincre la détermination qu'elle avait prise de partir. Ni les descriptions enthousiastes du maître d'hôtel, ni les supplications d'Emmanuel. Elle ne voulut même pas prendre la route charmante de Pont-Aven qui court au milieu d'un verdoyant paysage égayé par la fuite capricieuse d'une rivière et le tic-tac des moulins. Elle semblait ne pouvoir s'éloigner assez vite. C'était bien là, en effet, sa pensée. Le chemin de fer lui-même ne lui paraissait pas assez rapide pour fuir les Cavarons. Monsieur Métivier, forcé de renoncer à la promenade en bateau, ou du moins à la faire tout seul, voulut offrir à Emmanuel un souvenir de Quimperlé. Il lui donna deux photographies, celle de Sainte-Barbe et celle de Saint-Fiacre, avec une pierre de croix. D'après les gens du pays, ces pierres qu'on trouve sur les bords de l'Ailée et sur ceux de l'Isole entre Sker et Rosporden ne sont visibles qu'après les orages violents. Ce sont les débris d'un château détruit jadis par la foudre, en punition des méfaits de son propriétaire. D'après Siegfried, d'après tous ceux qui préfèrent les explications de la science à celles de la superstition, ces staurotides, c'est le nom qu'on donne à ces pierres, sont un silicate alumineux double qui cristallise en forme de croix de Jérusalem. À Rosporden, Madame Thouvenin décida de s'arrêter à Concarneau entre deux trains, mais pas davantage. Elle voulait absolument coucher à Quimper. Le vieux Concarneau, la ville close, est bâti sur un îlot relié à la terre ferme par un pont-levis sur lequel s'ouvre une porte flanquée de deux grosses tours. Les épais remparts de granit à créneaux et mâchicoulis sont baignés par la mer à chaque marée. Outre la porte de l'ouest, par laquelle on arrive au nouveau Concarneau, dit Faubourg Sainte-Croix, deux autres portes s'ouvrent sur la mer, l'une à l'est, l'autre au nord. Cette dernière est appelée la porte au vin. On y décharge les marchandises. La physionomie de cette petite ville coupée par une rue unique, longue de 400 mètres, est tout à fait étrange. On s'y sent, pour ainsi dire, séparé du monde. De toutes les fenêtres pendaient de longs filets à mailles fines, teints en vert glauque, indiquant que l'industrie du pays est la pêche. 500 bateaux y sont occupés à la pêche de la sardine qui, en quelques mois, produit plusieurs millions. Les sardiniers ne sont pas tous de Concarneau, ils sont aussi de Fouesnant, l'endroit de la Bretagne où l'on voit les femmes les plus belles et les plus coquettes. Le nombre des pâtisseries est remarquable tant au faubourg Sainte-Croix qu'à Fouesnant. Ce sont les lieux de rendez-vous des femmes de pêcheurs. Elles y font assaut de toilettes, d'ostentation et de caquetage, en dégustant les gâteaux et les vins fins. Ce n'était ni pour la ville close, ni pour le port et ses trois phares, ni pour la forêt de Fouesnant, ni pour la beauté des femmes, encore moins pour les sardineries et leur écœurante odeur d'huile chaude, que Madame Thouvenin s'arrêtait à Concarneau. C'était pour l'aquarium. Au premier pas qu'elle fit dans l'établissement, elle aperçut au bord d'un bassin un squale éventré, apporté là pour être donné en pâture aux homards et aux crabes. « Mais c'est un requin, » dit-elle. « Il y a donc des requins sur ces côtes ?»« Ils ne sont pas gros, » répondit Siegfried. « Ils sont de l'espèce que les pêcheurs appellent le chien ou le chat de mer. On en mange. » Il disait cela tout tranquillement, ce Siegfried. Il avait l'air de trouver tout simple qu'on mangeât du requin. Pouah ! La jolie femme eut un léger frisson et se décida à faire le tour des 8 bassins d'éducation afin de s'éloigner du requin mort. Par exemple, elle ne daigna pas regarder les évolutions des poissons, des homards et des langoustes qu'on y élève, et le jeu de vannes par lequel l'eau se renouvelle à chaque flux et reflux ne l'intéressa pas davantage. Ayant fait le tour des bassins, on arriva au bâtiment dans lequel est installé l'aquarium. On vit des plis et des carrelets enfouis dans le sable au fond de leur auge et dans des bassins vitrés des merveilles de couleurs et de bizarreries. Des poissons vert émeraude, bleu turquoise, marqués de fauve et de noir comme des serpents, de tout petits avec d'énormes nageoires dorsales, d'autres dont la tête était si grosse qu'ils paraissaient n'avoir pas de corps, quelques-uns presque apprivoisés, connaissant le gardien et venant à fleur d'eau pour demander une gourmandise. Toute seule dans son compartiment, une petite raie se promenait, montrant aux visiteurs son ventre nacré et sa petite figure espiègle, avec une grande bouche plate, deux yeux brillants et mobiles, une physionomie de monsieur très fat. Emmanuel était fort intéressé. Sa mère l'était assez pour oublier sa mauvaise impression, mais elle la retrouva lorsque le gardien fit sortir un congre du tuyau où il était caché et prit dans le bassin un délicieux petit chat de mer pour que madame pût se rendre compte de la rugosité de la peau des squales en caressant le dit chat de mer à rebrousse-poil. Madame recula. « Je lui tiens la tête !» fit remarquer le gardien. Madame recula un peu plus. « C'est joliment rude !» dit Emmanuel en passant l'index sur le dos de l'animal. « Très rude !» affirma Siegfried, passant un doigt à son tour. Et ils recommencèrent deux ou trois fois à tour de rôle. Madame Thouvenin se hâta de sortir. L'idée de toucher un animal du genre requin lui donnait le frisson. Elle n'était pas encore remise en arrivant à Quimper. Il y avait musique sur le mail où toute la société se trouvait réunie. Les trois touristes flânaient sur le quai. Ils se dirigèrent du côté où ils entendaient le son des instruments. Tout en prêtant une oreille distraite, ils s'engagèrent dans les allées assez raides qui sillonnent la promenade plantée de grands arbres, établis sur la colline appelée le Mont Frugy. L'obscurité naissante les força à redescendre. La musique était finie, les amateurs dispersés. Quelques retardataires restaient seuls sur les quais. Quimper était couché. « Une jolie ville !» avait dit Madame Thouvenin en arrivant. « Une ville bien triste !» dit-elle le jour suivant en parcourant les rues vides. La vie semblait s'être concentrée sur la place de la cathédrale où se tenait le marché. Ce fut l'affaire de quelques heures seulement. L'après-midi, la place était silencieuse comme le reste de la cité.